Module 4. Étude 3. Preuve de l'existence et de la survie de l'esprit. À cette question, l'âme existe-t-elle? La science dit oui, peut-être. Les phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme, de l'anesthésie répondent oui, et en cela confirment toutes les déductions de la philosophie et les affirmations de la conscience. Contraint par l'évidence des faits à admettre une force directrice dans l'homme, un grand nombre de matérialistes se réfugie dans une négation derrière en prétendant que cette énergie s'étend avec le corps, dont elle n'était qu'une émanation. Comme toutes les forces physiques et chimiques, disent-ils, l'âme, cette résultante vitale, cesse avec la cause qui l'avait produite. L'homme étant mort, l'âme est anéantie. Cela est-il possible ? Ne sommes-nous qu'un vulgaire amas de molécules sans solidarité les unes avec les autres? Notre individualité aimante doit-elle disparaître à tout jamais de ce qui a été un homme? Ne serait-il vraiment qu'un cadavre, destiné à se désagréger lentement dans la froide nuit du tombeau? La première réfutation de cette pensée que l'esprit ou âme provient de la matière vient du raisonnement logique de Descartes. Cogito. Ergo sum, je pense donc je suis. Qui pourrait être interprété comme suit? La matière par elle-même ne pense pas, donc il existe en moi, au-dessus de la matière, quelque chose qui est l'agent de mes pensées. Pourrait-on admettre que c'est le cerveau qui sécrète cette pensée, comme le foie sécrète la bile? Ce serait illogique si l'on considère que la pensée, étant un effet intelligent, demande l'existence d'une cause intelligente. Allan Kardec affirme que le doute concernant l'existence des esprits a pour cause première l'ignorance de leur véritable nature. On se les figure généralement comme des êtres à part dans la création et dont la nécessité n'est pas démontrée. Quelle que soit l'idée que l'on se fasse des esprits, cette croyance est nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière. Elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe. Si la croyance aux esprits et à leurs manifestations, continue Kardec, était une conception isolée, le produit d'un système, elle pourrait, avec quelques apparences de raison, être suspectée d'illusion. Mais qu'on nous dise encore pourquoi on la trouve si vivace chez tous les peuples anciens et modernes, dans les livres saints et toutes les religions connues, c'est, disent quelques critiques, parce que, de tout temps, l'homme a aimé le merveilleux. Qu'est-ce donc que le merveilleux selon vous? Ce qui est surnaturel, qu'entendez-vous par le surnaturel? Ce qui est contraire aux lois de la nature. Vous connaissez donc tellement bien ces lois qu'il vous est possible d'assigner une limite à la puissance de Dieu? Eh bien, alors prouvez que l'existence des esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature, que ce n'est pas et ne peut être une de ces lois. Suivez la doctrine spirite et voyez si cet enchaînement n'a pas tous les caractères d'une admirable loi qui résout tout ce que les lois philosophiques n'ont pu résoudre jusqu'à ce jour. Les phénomènes qui démontrent l'existence et la survie de l'esprit font l'objet de recherches, principalement à partir du XIXe siècle, par des hommes et des personnes sérieuses et réputées dans plusieurs pays. Les recherches sur ce sujet sont très riches. Nous ne citerons à titre d'illustration que quelques-unes des modalités de ces phénomènes. Les phénomènes d'extériorisation de l'âme. Pendant le sommeil, lorsque le corps repose, que les sens sont inactifs, nous pouvons constater qu'un être veille et agit en nous, qu'il voit et entend à travers des obstacles matériels, murs ou portes, et à toute distance. L'être fluidique se déplace, voyage, plane sur la nature, assiste à une foule de scènes, et tout cela s'accomplit sans le concours des sens matériels, l'œil étant fermé et l'oreille ne percevant plus. Kardec nomme ce phénomène la clairvoyance somnambulique. Ainsi s'exprime le codificateur du spiritisme. Les perceptions qui ont lieu dans l'état somnambulique étant d'une autre nature que celle de l'état de veille, ne peuvent être transmises par les mêmes organes. Il est constant que, dans ce cas, la vue ne s'effectue pas par les yeux, qui sont d'ailleurs généralement clos, la vue à distance et à travers les corps opaques exclut en outre la possibilité de l'usage des organes ordinaires de la vision. C'est l'âme qui donne au somnambule les facultés merveilleuses dont il jouit. Les maisons hantées et transport d'objets. Le phénomène des maisons hantées est un des plus fréquents et des plus connus. On le retrouve un peu partout. Très nombreux sont les lieux hantés, les habitations dont les murs, les parquets et les meubles retentissent de coups et de vibrations. Dans certaines demeures, les objets se déplacent sans contact. Des pierres sont lancées du dehors par une force inconnue. On entend des bris de vaisselle, des cris, des bruits divers qui incommodent et terrifient les gens impressionnables. L'histoire du spiritualisme moderne commença par un cas de hantise. Les manifestations de la maison hantée d'Hitteville en 1848 et les tribulations de la famille Fox qui l'habitait sont bien connues. Le phénomène des tables tournantes. On appelle table tournante les communications des esprits par le mouvement circulaire imprimé à une table. Cet effet se produit également sur tous les autres objets, mais la table étant celui sur lequel on fait le plus exercer, parce que c'était le plus commode, le nom de table tournante a prévalu pour la désignation de cette sorte de phénomène. Maintenant, voyons les manifestations des esprits par l'écriture. Il y a plusieurs formes de communication des esprits par l'écriture, à savoir la psychographie indirecte obtenue au moyen de planchettes, de corbeilles ou de tabourets munis d'un crayon. La psychographie directe ou manuelle obtenue par le propre médium sous l'influence des esprits, celui-ci pouvant avoir conscience de ce qu'il écrit ou non. Et l'écriture directe ou pneumotographie, ou celle qui se produit spontanément sans le secours ni de la main du médium ni du crayon. Il suffit de prendre une feuille de papier blanc, de le plier et de le déposer quelque part dans un tiroir ou simplement sur un meuble. Et si l'on est dans les conditions convenables, au bout d'un temps plus ou moins long, on trouve sur le papier des caractères tracés, des lignes diverses, des mots, des phrases et même des discours. Le plus souvent avec une substance grisâtre analogue à la mine de plomb. D'autres fois avec le crayon rouge, de l'encre ordinaire et même de l'encre d'imprimerie. Manifestation des esprits par l'audition et par la parole. Les esprits peuvent se communiquer par l'appareil auditif du médium, ce qui permet à ce dernier d'avoir avec eux une conversation régulière. Ils peuvent également agir sur les organes de la parole. Dans ce cas, le médium s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit. Et souvent, il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. Apparition et matérialisation des esprits. Les apparitions, proprement dites, ont lieu à l'état de veille, et alors qu'on jouit de la plénitude et de l'entière liberté de ses facultés. Elles se présentent généralement sous une forme vaporeuse et diaphane, quelquefois vague et indécise. D'autres fois, les formes sont nettement accentuées et l'on distingue les moindres traits du visage, au point d'en pouvoir faire une description très précise. L'esprit qui veut ou peut apparaître revêt quelquefois une forme plus nette encore, ayant toutes les apparences d'un corps solide, au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel. Dans quelques cas enfin, et sous l'empire de certaines circonstances, la tangibilité peut devenir réelle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, palper, sentir la moindre résistance, la même chaleur que de la part d'un corps vivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité de l'éclair. Ce n'est plus alors par les yeux qu'on en constate la présence, mais par le toucher. Si l'on pouvait attribuer à l'illusion ou à une sorte de fascination l'apparition simplement visuelle, le doute n'est pas permis quand on peut la saisir, la palper, quand elle-même vous saisit et vous étreint. Les faits d'apparition tangible ou matérialisation sont les plus rares, mais ceux qui se sont passés par l'influence de quelques médiums puissants et qui ont toute l'authenticité de témoignages irrécusables, prouvent et expliquent ce que l'histoire rapporte au sujet de personnes qui se sont montrées depuis leur mort avec toutes les apparences de la réalité. Maintenant, voyons la xénoglossie. Les phénomènes de la xénoglossie sont ceux dans lesquels le médium non seulement parle ou écrit des langues ignorées, mais les parle ou les écrit en formulant des observations originales ou en conversant avec les assistants. Maintenant, la transcommunication instrumentale, dite TCI. Ce phénomène couvre les manifestations des esprits par l'intermédiaire de moyens techniques, magnétophones, radios, répondeurs, ordinateurs, fax, téléphone, télévision et plus récemment TV-phone. C'est un ensemble d'appareils qui permet à l'entité spirituelle d'apparaître sur l'écran et parler en même temps par le téléphone. Maintenant, les expériences de mort imminente. C'est l'état de mort clinique éprouvé par une personne pendant quelques instants, revenant par la suite à la vie physique. Les récits des personnes qui ont passé par cette expérience coïncident avec les enseignements du spiritisme et des religions qui acceptent la réincarnation. Vision sur le lit de mort. Au moment de la mort, les perceptions du monde spirituel sont courantes et celui qui est en phase de désincarnation ou qui est désincarné peut même visiter parents et amis pour leur dire au revoir. Des recherches sérieuses qui ont été actualisées récemment démontrent que ces phénomènes ne sont pas que des simples hallucinations. Les phénomènes qui prouvent la réincarnation. Ces phénomènes, qui seront étudiés dans le guide d'études numéro 2 du module 6, s'ajoutent aux autres preuves de la survie de l'esprit, vu qu'ils démontrent la conservation de l'individualité au long des diverses existences corporelles. Les modalités de phénomènes qui ont été mentionnées précédemment ne font qu'illustrer la grande quantité de faits qui ont été observés au long du temps par d'éminents chercheurs de diverses nationalités. Cette gamme de phénomènes, qui ne trouve d'explication complète que dans le spiritisme, nous fait dire, avec Léon Denis, que la survivance est amplement démontrée. Aucune théorie autre que celle de l'intervention des défunts ne saurait expliquer certains phénomènes psychiques sous leurs formes variées. Alfred Roosevelt Wallace l'a dit, le spiritisme est aussi bien démontré que la loi de gravitation. Et Crookes répétait, le spiritisme est scientifiquement démontré. En résumé, nous pouvons dire que les preuves de la survivance abondent pour ceux qui les recherchent d'un cœur sincère avec l'intelligence et la persévérance. Ainsi, la notion d'immortalité se dégage peu à peu des ombres accumulées par les sophismes et les négations, et l'âme humaine s'affirme dans sa réalité impérissable.